H1000 présente. Une carte postale sonore, d'ici, de là-bas, d'ailleurs. Pour le plaisir de vos oreilles, bonne écoute. Auditeurs, auditrices, ici à H1000 pour cette édition spéciale. Nous sommes le 9 décembre 2018, manifestation des Gilets jaunes et de la marche pour le climat. À peine commencé que déjà les premières grenades lacrymogènes, vous l'entendez. Viennent d'être jetés. Climat insurrectionnel. Étendu, mais lors du passage de l'émission, plus d'un an se sera écoulé et vous pourrez donc ainsi mesurer, auditeurs, auditrices, si ce climat insurrectionnel en valait la peine. Est-ce que le climat est meilleur et est-ce que vos conditions sociales sont meilleures? Le son est pourri. C'est pas très grave, vous êtes à l'intérieur de l'ambiance. Alors pour le moment, la manifestation est totalement arrêtée. Justice sociale, écologie radicale. Paix et amour, paix et amour. Bonjour, je peux vous poser quelques questions, je vous entendais, c'est pour les radios locales, c'est pas pour BFM, je précise. Voilà, bonjour. Service d'ordre citoyen pour le climat. Voilà, comme ça vous faites une pierre de coups. Super, mais en fait, je m'intéresse moi fortement à la question climatique, j'ai fait déjà une première émission, et pour vous, le fait que les Gilets jaunes se rallient à votre cause, est-ce une bonne chose? Est-ce que les deux ne sont pas contradictoires, non, c'est-à-dire l'augmentation du pouvoir d'achat et la protection écologique? En fait, le phénomène actuel face à l'effondrement climatique, il peut être analysé de la manière de la réaction au deuil. C'est, je ne sais pas si vous êtes familier avec les cinq phases du deuil. On a le déni, ensuite on a la négociation, la colère, la tristesse et l'acceptation. Et si on regarde la réaction de notre société face à l'effondrement actuel et la catastrophe socio-écologique, parce qu'il faut arrêter de parler uniquement de réchauffement climatique, c'est l'arbre qui cache la forêt, il faut parler de catastrophe socio-écologique aujourd'hui, déjà, d'une part. Et donc la réaction sociétale face à cette catastrophe socio-écologique, c'est la réaction du deuil. Donc depuis un sacré bout de temps, toute la société vit dans le déni, à l'exception des hippies, à l'exception de peuples soi-disant primitifs, mais qui ont vécu en accord total avec leur environnement, qu'on a regardé de haut. On a pris les hippies pour des guignols, on a pris les Indiens d'Amérique du Nord pour des primitifs, on s'est bien foutu de leur gueule, on est prévenu depuis un sacré bout de temps. Nous vivons à crédit sur le dos des générations futures. À un moment donné, ce qui se passe aujourd'hui, on peut l'analyser toujours dans le phénomène des réactions au deuil. Donc quand on sort du déni, à un moment donné, c'est la colère qui monte. Et là, on est en train de se rendre compte que c'est plus possible, que tout ce qu'on nous a vendu depuis des années, des décennies, tous les irresponsables politiques et toutes les personnes qui ont fait de la publicité, qui nous ont manipulés, qui nous ont expliqué qu'on pouvait aller dans cette direction, qu'il n'y avait pas de problème, et que les discours des écolos, des radicaux, des apatistes de Capas et de tout ça, c'était des discours de doux rêveurs qui n'avaient rien compris au monde. Mais le problème, c'est qu'on parle de pouvoir d'achat, donc de croissance économique, et voilà, c'est-à-dire, il faut notre modèle de société. Et qu'est-ce que vous proposez ? La refonte du pacte social, la mise en place d'un gouvernement provisoire de transition socio-écologique qui soit amené à organiser les états généraux du peuple, les états généraux de l'alimentation, les états généraux de la biodiversité, etc., etc. On reprend tout à plat, on refond le pacte social. Et là, il y a des solutions très concrètes qui sont mises en avant. Au Chiapas, ils ont des modèles d'organisation qui sont efficaces et qui fonctionnent. En ce moment, au Kurdistan, les rebelles au Kurdistan ont voté une constitution écologique, féministe et anticapitaliste, malgré le fait qu'ils se fassent tirer dessus tout autour. Les solutions, elles sont chez un philosophe américain qui s'appelle Murray Bookchin, et qui a digéré l'ensemble des théories des grandes utopies effondrées du siècle dernier, communisme, socialisme, etc. Il les a reprises en partant sur la base écologique. Et il propose un modèle qu'il appelle le municipalisme confédéral. Et par contre, on n'a plus le temps d'y aller tout doucement, tranquillement. Aujourd'hui, plus personne ne parle. Il y a urgence, quoi. Voilà, et le secrétaire général des Nations Unies, aujourd'hui, tous les jours, le répète, et il appelle les peuples à mettre leurs dirigeants face à leurs responsabilités, et à un réveil. Il dit lui-même qu'il faudrait 5 à 10 fois les efforts qui sont promis par la COP21 pour pouvoir être à la hauteur des enjeux actuellement. Là où l'espoir s'arrête, l'action commence. On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de plein rayon de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit l'écriture blanche des années empilées, tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, si le monde était beau, nous l'avons caché. Déjà les gilets jaunes, je pense que bon, peut-être au début c'était réduit en termes du pouvoir d'achat, mais je pense que c'est plus le cas. Là ils veulent ils en ont marre de l'injustice sociale déjà. De toute façon, je pense qu'il n'y aura pas de mesures écologiques prises qui auront un vrai effet, parce que c'est ce qu'on cherche à la base quand on fait une mesure écologique, c'est pas juste pour dire on fait de l'écologie, qui auront un réel effet si on n'a pas les mesures sociales qui vont avec. Voilà. Et puis je pense que aussi, il faut pas confondre pouvoir d'achat et niveau de vie. Voilà, je pense qu'il y a un nouveau monde à réinventer et qu'on vivra mieux et peut-être même heureux. On confond le plaisir et le bonheur, où le plaisir s'achète mais pas le bonheur. Voilà, le plaisir c'est éphémère. Le bonheur, c'est ne pas avoir peur du lendemain. C'est simple, c'est ça. Sans haine, sans armes et sans violence. Résistance en désobéissance. c'est une évidence. Nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence. Nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. La fronde commence sur cette place. Ces casques lourds qui nous font face, nous les défions, folie ou inconscience. Sans haine, sans armes, sans violence, nous sommes d'une espèce non protégée. Notre obsolescence est programmée. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Sans haine, sans armes et sans violence. Allez ensemble! De résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans aucune condition de ressources, ils voudraient que l'on parte au pas de course, acheter des biens de grande consommation au premier tir de sommation. Que nous leur portions cette marchandise, objet de toute leur convoitise, leur précieux, leur cœur de cible, du temps de cerveau disponible. Oh, qui chérissent dans ce cœur de cible ce temps de cerveau disponible. Allez! Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans armes, sans violence. Vous êtes ici pour la marche pour le climat, pour soutenir les Gilets jaunes ou les Gilets jaunes Nous sommes des actifs du Gilet jaune depuis le 17 novembre. D'accord. On était sur la structure PH de Muret qui a été démantelée il y a quelques jours. Ouais. Et voilà, on continue le mouvement avec tout le monde là. On s'est mobilisé aujourd'hui comme tous les samedis au centre de la ville pour faire valoir nos droits. Et faire voir qu'on est encore très nombreux dans le mouvement solidaire et pacifiste. Et justement, vous êtes solidaire avec cette marche pour le climat, pour quelle aussi, raison? Pour la marche contre, pour le climat, parce que M. Macron nous fait croire qu'il fait des efforts au niveau de l'écologie, et en fait, ce n'est que des histoires, des racontars, quoi, qui nous amène à changer le parc automobile pour la voiture nucléaire, alors qu'on sait très bien qu'il n'a que faire des problèmes climatiques et écologiques, quoi. Voilà. Seriez-vous prêt, vous, à décroître votre consommation? Parce que derrière, quand même, le sujet de ces gilets jaunes, enfin, de tous les Français qui manquent de pouvoir d'achat, il y a quand même peut-être une contradiction entre le fait que nous devons avoir des salaires décents, mais que de notre côté, il faut quand même essayer de moins consommer. Qu'en pensez-vous? Moins consommer de quoi? Ben, moins consommer peut-être... Dans le sens global du terme. Oui, dans le sens global. Des téléviseurs, des écrans plats, de la viande, des choses comme ça. Bien sûr qu'il faut moins consommer, il faut consommer plus intelligemment, il faut faire du recyclage, il faut éviter Il faut lutter contre l'obsolescence programmée aussi des produits, quoi. Des produits en tout genre, que ce soit de la télévision à l'ordinateur, de l'ordinateur à la voiture, tout est en obsolescence programmée. Donc la consommation poussée par des lobbies qui tendent à nous faire acheter pour gagner beaucoup d'argent, il faut lutter contre ça, quoi. Avant, on consommait beaucoup moins parce que les produits duraient beaucoup plus longtemps, quoi. Maintenant, un produit, il a un temps de validité, quoi, tellement restreint et tellement programmé, quoi. Pourquoi? Pour pousser les gens à la consommation. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour consommer moins si on nous vend des produits trop chers et si peu durables, quoi. Ouais. Mmh. Après, la viande, c'est encore un autre sujet, quoi. Manger moins de viande, manger de la viande plus saine déjà. Renoncer aux élevages en batterie, aux élevages de intensive. Ouais. Il faut que les gouvernements mettent des lois en place pour éviter que les industriels poussent les gens à une consommation abusive. Quoi. Le citoyen ne fait que ce qu'il peut faire. Quoi. On peut pas consommer moins. C'est difficile, consommer moins. On ne peut pas consommer beaucoup, de toute façon, puisqu'on n'a pas l'argent pour consommer. On arrive à un stade où on n'a plus assez d'argent pour consommer. Quoi. Donc c'est un sujet qui est quand même très, très controversé. Quoi. Impôt forfaitaire annuel, c'est moi qui l'ai inventé. Cotisation complémentaire de 0,1%. Contribution sociale de solidarité. Attends, c'est pas fini. Majoration relevée, charges sociales et plus-value. Cotisation pré-retraite. Cotisation post-retraite. T'as pensé à payer ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnel, taxe sur le personnel. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé. Des bifetons, des ronds, des actions, des cicaves, ton liquide, tes pourliches, ton salaire, tes bénéfices, tes magots, tes lingots, tes napos, tes badelaines, tout ce qui traîne. Ce que t'as su et de ton front, on te le sucera jusqu'au front. Salut, TVA, bien. Pousse au mur, ça, en grâce et carvalasse. Possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tous. Nous comprenons votre douleur, c'est une triste disparition. Mais dans votre malheur, n'oubliez pas de régler vos droits de succession. Putain. Je suis en train d'enregistrer. Alors, charge des CRS, je ne sais rien. Ouais, des gendarmes, oui, merci. C'est un peu l'affolement, quoi. J'ai même pas pris le casque, c'est un enregistrement à la volée. Voilà, je reprends le casque, le micro. Donc vraiment, la manifestation est coincée entre deux pelotons de CRS. Alors, que penses-tu de ce mouvement, de cette manifestation ? C'est un peu du n'importe quoi, je pense. Ouais. Ouais, je trouve. Ouais. Pas à mon goût. Hein. Il y a de la violence un peu inutile. Et... Ouais, c'est surtout ça, ouais. Pour moi, de la violence inutile. Tu venais pour marcher pour le climat ou te rallier aux Gilets jaunes ? C'est ça qui est compliqué. Moi, je voulais aller plutôt vers les Gilets jaunes, mais je soutiens pas tellement le mouvement, parce que pour moi, c'est trop, ça part dans tous les sens. Et c'est pas structuré, c'est rien. Il y en a qui revendiquent une chose, d'autres l'autre. En plus, il y a les politiques qui se mettent à moitié là-dedans, donc pour moi, c'est un peu du n'importe quoi. Donc là, on rentrait du travail avec ma copine, on voulait faire un tour, et bon, bah... Ouais. Et donc, question marche pour le climat. La marche pour le climat. Que ouais, penses-tu de la mobilisation ? Elle est réduite à. Ah ouais, mais le problème, c'est qu'en plus, demain, je pense qu'on va entendre parler que des casseurs de tout ça, et on va pas entendre spécialement parler des gens qui sont venus manifester pour les bonnes choses. Donc, moi, je pense vraiment que c'est un peu du n'importe quoi. C'est dommage. Il y a des gros changements à faire, hein, et puis je pense que c'est pas deux trois règles ou deux trois lois qui vont faire les choses, qui vont changer grand chose. Hein. Je pense vraiment que c'est notre système qui marche, qui marche pas, hein, et qui est voué à l'échec, hein, dans tous les cas. Hein, je pense vraiment. Hein. Et, surtout en plus quand je vois les. Enfin moi ça me désole un petit peu de voir autant de violence en fait. Ça me désole un petit peu, ouais. Pour mieux aller se balader dans les bois, même si c'est pas la solution. Ben ouais, puis on a quitté un peu plus tôt le travail, et c'est ce que je disais à ma chérie, on aurait peut-être dû rester au travail en fait. J'ai un espoir, mais pour l'instant là, tant que les mêmes personnes qui sont à l'État, enfin aux têtes de l'État, vont pas changer grand chose, moi je pense que ça va être compliqué. Hein. Puis tout ce système, comment on marche aujourd'hui, ça va pas, c'est pas possible. Ça peut plus continuer, je pense. D'une, les gens ils en ont ras-le-bol. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de violence en plus. Je pense que c'est rien là encore ce qui se passe. Je pense que ça on va pas vers de très beaux jours là. De toute façon, je tiens encore à préciser, cette émission sera diffusée avec un an et quelques mois de décalage. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée beaucoup plus objective de comment ont évolué les choses entre ce 9 décembre 2018 je sais pas, printemps 2019 où elle sera diffusée. Qui vivra, verra. donc la manifestation pour la marche en faveur du climat s'est complètement disloquée. Ambiance assez tendue et disparate. Les manifestants et les CRS se regardent en chien de faïence. C'est un faux calme en fait. Madame, vous êtes aujourd'hui, je vois votre pancarte, pour la marche en faveur du climat. Quel est votre sentiment sur cette journée et plus globalement sur la cause environnementale ? Ben, la cause environnementale, vous savez, moi j'étais à Copenhague pour la COP15, il y a déjà plus de 20 ans, c'était en 2009, hein, donc ça fait plus d'une dizaine d'années, je crois qu'on n'avance pas du tout, c'est toujours du vent. Je crois qu'il y a toujours des mines à ciel ouvert, on fort, rien ne change en fait au niveau de l'environnement, c'est que de la parlotte, donc on va quand même droit dans le mur. Bon ben voilà, c'est. Je crois que. Aujourd'hui c'est plus qu'une marche, c'est vrai. Enfin, c'est la marche, c'est la journée internationale. Ouais. Bon, aujourd'hui c'est un tout, quoi, hein, parce que c'est quand même structurel, c'est pas conjoncturel la crise que l'on vit. Et donc, ben, on est là pour montrer qu'on n'est pas si con que ça, qu'on comprend qu'ils nous prennent pour des billes et qu'il faudrait que ça change. Moi, personnellement, je suis contre l'État, moi. Je suis pour un ordre sans État et pas un État avec ordre. Comment ça peut marcher ? Ah ben ça, faut que ça se mette en place. Je pense déjà faut que les gens soient très en colère et fassent tout péter, d'une part. Et après, on pourra voir ce qu'on peut mettre en place, sans avoir de petits chefs pour nous dire ce qu'on a à faire, et que chacun prenne ses responsabilités, et qu'on prenne que chacun a un impact sur la planète, et qu'est-ce qu'on veut faire de cette planète. C'est peut-être utopique, mais bon. Ah, c'est nous les riens. C'est Mark Twain qui dit ça, hein. Ouais. Ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Plein de gens, hein, c'était nous. C'est bon, voilà. Vous avez de l'espoir pour l'avenir ? De l'espoir, mais oui, de toute façon, l'avenir, il y aura toujours un avenir. Après, on verra ce qu'on en fait. Hein. Chacun fait son propre avenir, je crois. Ok, et bonne continuation. Ouais, au revoir. Bah, vous, monsieur, vous êtes de rien. Hein. On est descendant. Vous marchez pour le climat, pour vous marchez comme ça dans la rue, vous faites du sport. Non, on va aller manger, chef. Vous allez manger ? Oui. Ah ouais. Mais après, franchement, c'est pas bien ce qu'il faut là pour les taxes et tout. Ouais. Mais moi, je travaille. Je suis à la fin du mois, je suis sur la sellette, quoi. Mm-hmm. Alors que je paye mes impôts, je paye tout le temps, on se fait taxer. Tu sors de chez toi, tu te fais taxer. Mais gros, c'est comme ça, c'est la life. Non, non, c'est pas la life. Il faut aller soulever la balle. Bon, donc il faut espérer que ça change, quoi. Voilà, il faut pas marcher ici, il faut aller à l'Elysée, le soulever, ça sert à rien de marcher. Ah oui, bah bonjour. Bon, ciao. Quel est le sentiment de cette journée, vous qui marchez pour en faveur du climat, quoi ? Eh bien, c'est intéressant de voir beaucoup de monde comme ça, de voir un gros rassemblement pour le climat. Ça montre qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont concernés et que la population se réveille par rapport à cette thématique. Le problème, c'est qu'avec la convergence des luttes, il y a aussi des gilets jaunes, des affrontements avec les CRS. Ça crée beaucoup de flou et ça masque un petit peu les revendications qui sont les nôtres, quoi. Alors justement, puisque le message semble parasiter, qu'est-ce que vous avez envie de porter comme message, comme parole aux auditeurs par rapport à la protection de l'environnement ? Mais je pense que ce qui est important, on vit dans une société qui table tout sur la croissance dans tous les domaines. Et maintenant, il faut peut-être réfléchir à un autre type de société, plutôt la décroissance. Parce qu'on peut créer des économies par rapport à des croissances. Alors je ne suis pas un spécialiste, hein, je fais que me renseigner comme je peux de mon côté, mais on peut très bien, au lieu d'aller acheter des produits qui viennent de Chine ou d'autres pays où les gens sont exploités, chercher déjà à moins consommer, à ne pas utiliser beaucoup de choses qui sont complètement futiles dans nos vies, et chercher à trouver des alternatives, des produits qui sont... créer plus près de chez nous et qui crée de l'emploi autour de nous et qui crée du lien social surtout, parce que avant on allait dans les commerces, on discutait avec les commerçants, les gens qu'on rencontrait là-bas. Maintenant on va au supermarché, on parle avec personne, on se dépêche de faire nos achats et on perd du lien social et on prend plus le temps de faire les choses qui sont importantes comme se nourrir et je comprends. Acheter. Et seriez-vous prêt à titre individuel à moins consommer? Parce que c'est bien de dire il faut moins consommer, je me veux provocateur, excusez-moi. Mais si on réduit, votre consommation globale de loisirs, votre consommation globale d'Internet, de je ne sais quoi, d'iPhone... Alors c'est sûr que c'est compliqué parce qu'on est dans une société où les gens se comparent énormément, où on crée des envies en se confrontant les uns avec les autres. Mais je pense qu'en arrivant tous à venir vers à plus discuter, plus prendre le temps de se rencontrer, et ben on aura moins besoin d'aller occuper notre temps en payant des choses, en allant sur Internet, en devenant solitaire avec tous ces outils numériques qui empêchent le lien, même si on appelle ça des outils de communication. Et globalement, donc, vous pensez que notre attitude, je prends vraiment de manière globale sur la cause environnementale, c'est un problème d'éducation ? C'est un problème d'éducation, mais c'est aussi un problème de société. Parce que tant qu'on sera dans une société qui nous pousse à consommer énormément, on ne pourra pas gérer le problème de l'environnement. Ouais. Alors, auditeurs, auditrices, ayez l'initiative de moins consommer. C'est la meilleure façon de faire un bras d'honneur à Macron, peut-être. Oui, à Macron et à tous les autres, parce que Macron, c'est celui qui est en place actuellement, mais c'est une politique qui est menée depuis des années et des années, influencée par les lobbies, et qui sont complètement déconnectés des problèmes du peuple. Et franchement, à part quelques petits détails, et surtout, leurs discours sont différents avant les élections, mais une fois qu'ils sont au pouvoir, c'est exactement la même politique qui est menée depuis des années et des années. Avez-vous de l'espoir pour l'avenir ? Oui, j'ai de l'espoir, bien sûr. Il faut garder l'espoir, c'est très important. Il faut essayer d'en discuter, de parler avec les gens pour arriver à trouver les solutions et à les mener à bien. Il faut pas se dire que tout est fini, sinon on n'avancera pas. La manifestation est quasiment caduque, quoi. Les gens sont bloqués entre deux barrages de CRS. L'un barré par des camions et l'autre par les policiers, enfin je sais pas quoi, qui lance les bombes lacrymogènes. Face à moi, un brouillard, c'est pas le brouillard des Pyrénées. Celui-là, je l'adore et puis il pique pas aux yeux et il crame pas la gueule.